Section 20. Chapitre 20. Monsieur de Chanteprie traversa la place du Panthéon, vaste désert de pierres grisâtres. La masse quadrangulaire du monument, le dôme pesant sur la colonnade, découpait une silhouette précise, un décor d'ombre chinoise contre la soie vert pâle du ciel. Un souffle de bise annonçait la nuit âpre et dure, le gel prochain. Des couples passaient, la femme blonde et son compagnon, envolés vers le bonheur furtif. Un jeune homme et une fillette qui s'embrassaient effrontément au coin de la rue Valette. Deux ombres enlacées erraient de long en large devant l'école de droit. Augustin pensait à la chambre du pavillon, à l'inévitable insomnie. Et tout à coup, des images surgirent dans sa mémoire, un fluide brûlant courut dans ses veines. Ah, dormir, oublier sa peine au bras de Fanny, dans la chaleur de son flanc, sous les ténèbres embaumées de sa chevelure, sentir, jusque dans les songes d'un sommeil inquiet, la présence féminine, la douce palpitation d'une vie proche. Augustin hâtait le pas, il marchait dans un morne délire, sans voir les cafés étincelants du boulevard, les groupes joyeux, les femmes en quête d'un dîner qui lui jetaient au passage un appel câlin ou railleur. « Fanny, répétait-il, enivré par ce seul nom, les mains frémissantes, les yeux troubles. Il allait vers elle comme l'ivrogne vers le cabaret et le désespéré vers la rivière, pour se reposer enfin et s'abîmer corps et âme et s'anéantir dans l'amour. Au coin de la rue Boissonnade, il faillit heurter Georges Barral. « Vous allez sans doute chez Madame Manolé. Elle ne reçoit personne. »« Pourquoi donc ? Vous ne savez pas qu'elle est souffrante ? J'étais venu pour lui donner des nouvelles, de bonnes nouvelles, de son exposition, et j'ai trouvé Madame Robert, la fidèle amie, installée déjà depuis hier comme garde-malade. »« Mais ce n'est pas grave. Qu'a-t-elle donc ?»« Non, ce n'est pas grave, évidemment. Un peu de surmenage, des soucis. Sait-on jamais avec les femmes. Enfin, la porte est consignée. »« Je verrai Madame Robert, » dit Augustin, agacé par le ton de Barral. Madame Robert le reçut froidement. Il déclara. « Je veux voir Madame Manolé pour une affaire très importante. 5 minutes seulement, il le faut. » La jeune femme le fit entrer dans l'atelier, et bientôt elle revint le chercher, souriante, radoucie. « Fanny vous attend. Pouvez-vous rester auprès d'elle pendant que je vais dîner chez moi? Elle s'ennuie tant. Eh bien, je lui tiendrai compagnie et je défendrai la porte. » Madame Robert se mit à rire. « Je crois, en effet, que vous défendrez bien la porte, mais vous auriez dû venir plus tôt. Votre visite eût été pour Fanny le meilleur des remèdes. » Une lampe éclairait la chambre, faiblement. Pâle, d'une pâleur nacrée, les yeux très grands, très noirs, Fanny se souleva sur l'oreiller. La fraîche odeur de la verveine vaporisée flottait autour d'elle. « Augustin, mon cher amour, que je suis contente !» Il s'assit au bord du lit, cacha sa tête entre l'épaule et le cou de la jeune femme. « Oh, ma chérie !» Il ne pouvait pas dire autre chose. « J'ai eu un peu de fièvre, mais je vais mieux. Je suis déjà guérie, puisque tu es là. Comment as-tu deviné que j'étais malade? Je ne t'ai pas écrit. Je ne voulais pas te déranger. »« Voilà une méchante parole, » dit-il, « et pourtant je l'ai méritée. Je vous ai beaucoup négligée ces derniers temps. Je n'ai pas su voir que vous étiez fatiguée, épuisée. Madame Robert vous soigne. Monsieur Barral, que j'ai rencontré à votre seuil, Monsieur Barral vous rend des services. Il s'occupe de je ne sais quelle exposition. Et moi, je ne sais rien, je ne fais rien, je ne compte pour rien. J'ai des torts envers vous, Fanny. Mais pourquoi me cacher vos peines? Pourquoi me considérer comme un étranger? » Elle murmura. « Je n'ose pas. » « Comment? Tu n'oses pas te confier à moi? À moi qui t'aime? Et tu te confies à Barral? Tu me fais injure. Je suis attristée, offensée. Est-ce ma faute? Tu n'es jamais là. Et puis, notre situation est si étrange, un peu fausse même. Pourquoi? Naguère, nous étions des amis. Maintenant, nous sommes à peine des amants. Que veux-tu dire? Rappelle-toi le délicieux automne. Nous n'étions qu'un, nous deux, dans la maison du pavot. Nous n'avions qu'une âme, qu'un désir, qu'une pensée. » Il dit en soupirant, « Oui, c'était doux, divinement doux. » Et puis, ces deux êtres fondus en un se sont dédoublés, séparés. Nous sommes redevenus monsieur de Chanteprie et madame Manolé. Nous n'avons retrouvé que par instant l'illusion de l'unité amoureuse. Encore, si j'avais pu te voir souvent, longtemps. Mais je ne sais pourquoi tu m'as délaissé. J'ai cru que tu t'ennuyais près de moi, que tu préférais courir Paris avec Rennemoulin. Et, n'ayant plus la cordiale liberté de la camaraderie, n'ayant pas encore la sérénité de l'habitude, nous ne sommes ni tout à fait amis, ni tout à fait amants. Est-ce vrai ? C'est vrai. Alors ? Oh, ma pauvre Fanny, que je suis égoïste et lâche, que je sais mal t'aimer. Je devrais être heureux. Tu n'es pas heureux quand je t'aime, quand je t'adore ? Il dit tout bas, « Non, et ce n'est pas ta faute, ma chérie. Tu es bonne, tu es tendre, tu es patiente. Je devrais te remercier à genoux. Mais j'ai l'âme mal faite, oui, mal faite, pour un amour clandestin, coupable. J'ai des chagrins, Fanny, d'affreux chagrins. Je ne te parle pas seulement des peines que me font mes amis, ma mère, mais tout mon passé s'en va de moi peu à peu. Non, je ne te dirai rien de plus. Je n'étais pas venu pour t'avouer les pensées qui me hantent. J'ai peur de leur donner plus de force et de vie en les exprimant tout haut. Ne m'interroge pas, bien-aimée. Prends-moi comme un enfant blessé sur ta chère poitrine. Plains-moi ainsi que je te plains. Et ne doute jamais de ma tendresse infinie, éternelle et si douloureuse pour tous deux. Ne dis rien, va, j'ai compris. Laissons faire le temps. Ayons foi l'un dans l'autre. Je ne te demande pas ce que tu peux donner. « Aime-moi seulement. »« Je t'aime, » elle reprit. « Depuis longtemps, j'ai renoncé à tout espoir de mariage. Je ne suis pas la créancière qui réclame l'amour comme une dette et de son corps barre l'avenir. Tu ne me dois rien qu'une entière confiance et une entière sincérité. Je serai ce que tu voudras, épouse, maîtresse, amie ou ce fantôme de femme en pleurs que tout homme a dans son passé. » Crois-tu donc ? Je sais comment les amours finissent. Aujourd'hui même, Louise me parlait de Rennemoulin. Pauvre femme, elle est depuis 5 ans la résignation qui ne demande rien, l'indulgence qui pardonne tout, la passion silencieuse et torturée. Et lui, il ne l'aime pas ? Lui, il la garde comme intérim entre les filles du quartier latin qu'il a connues à 20 ans et l'ingénue à grosse dot qui enchantera sa 30e année. Et cette malheureuse Louise ne prévoit pas la rupture que je sens venir, la rupture en silence et en douceur, dont Rennemoulin a déterminé déjà les conditions et prévu les conséquences. Il sait que tout finira bien, que Louise ne fera pas de scandale. Il rentrera dans le bon chemin qui conduit au beau mariage. Fanny, pourquoi me parles-tu de Rennemoulin ? Tu as une arrière-pensée. Je sais que notre amour non plus n'a pas d'avenir. Et bien que je sois, à l'avance, résignée. Résignée ? Non, tu n'es pas résignée. Ma chérie, regarde-moi là, dans les yeux. Eh bien, quoique je sois un amant bizarre, décevant, insupportable, me crois-tu capable de préparer une rupture en silence et en douceur ? Oh, Fanny, il n'est pas besoin qu'un serment nous unisse devant les hommes pour que nous soyons liés pour l'éternité. Et si nous devions nous séparer, tu demeurerais encore l'unique. Tous les chemins du repentir ne conduisent pas au beau mariage, Fanny. Que tu sois absente ou présente, fidèle ou infidèle à mon souvenir, j'aurais payé notre amour de toutes mes espérances de bonheur humain. Rappelle-toi les paroles que je t'ai dites dans les bois de Port-Royal, vous ou personne. Ma volonté n'a point changé. Tu es sincère. Mais tu es trop jeune pour engager l'avenir. Je sais, moi, par expérience, qu'un être vivant et vibrant, dans la plénitude de sa force, ne peut supporter la solitude perpétuelle. Nous avons besoin d'aimer autre chose qu'une ombre, d'étreindre notre amour sous une forme sensible, dans nos bras, sous nos lèvres de chair. Tu m'oublierais, Augustin. Il dit gravement, Fanny, je suis l'homme d'un seul amour. Comme je suis l'homme d'une seule idée. Non, je ne t'oublierai pas. Et plût à Dieu que nos corps périssables fussent à jamais séparés, si nos âmes réconciliées, enfin, et heureuses, pouvaient se retrouver dans son sein. Toujours ta chimère, dit Fanny. Elle avait froid au cœur. Naguère, connaissant bien Rennemoulin et ses pareils, elle avait vu sans déplaisir l'incursion d'Augustin dans le petit monde néo-catholique. Elle avait cru qu'il reviendrait déçu, glacé, de ce voyage à travers les œuvres et les âmes. Les mélancolies d'Augustin, les bizarreries d'humeur qui tantôt le cloîtraient chez lui pour de longs jours, tantôt le jetaient aux bras de la femme, ces alternatives de muette jalousie, de furieux désir, d'inexplicable indifférence, n'étaient-ce pas les indices de la révolution morale ardemment souhaitée par Fanny? Et voilà qu'elle s'était trompée. Son amant lui revenait plus triste, privé d'une illusion, mais non pas atteint dans sa foi, chrétien encore, oui, chrétien, par ses dégoûts et ses remords. Comme Phèdre, coupable et vertueuse, il péchait en détestant son péché. Et s'il n'avait plus la puissance de vouloir ce qu'il appelait le bien, il n'avait pas cessé d'aimer ce bien. « Il ne lui faudra, pour me quitter, que la grâce, » songea-t-elle. « Notre amour est à la merci d'un phénomène d'autosuggestion. » La tendresse d'Augustin la rassura pourtant. Une imprudence prolongea l'indisposition de la jeune femme, et pendant quelques jours, Augustin vécut chez elle, arrivant par le premier train et repartant par le dernier. Ce fut la trêve heureuse, où les angoisses de l'esprit et des sens s'apaisèrent, où les amants revécurent l'ancien amour, où, sans réserve, sans réticence, il fut chastement tout à elle, et elle toute à lui. La semaine de repos s'acheva. Fanny put se lever. Ses yeux gardaient encore une langueur sous leurs lourdes paupières brunes, mais ses joues, ses lèvres, avaient refleuri. Un soir, comme Augustin lui donnait le baiser d'adieu, il la sentit frémir sous la caresse, et le baiser descendit des cheveux au cou ployé, chercha la bouche qui s'ouvrit amoureusement. Il partit vers l'aube, triste à mourir. Mais à présent, il connaissait la cause réelle de ces malaises d'âme dont il s'était cru délivré près de Fanny malade et qu'il retrouvait au fond du plaisir. C'était l'affreuse lie, l'élément de trouble et de douleur que le désir mêle à la tendresse. Fanny avait supplié M. de Chanteprie de revenir le lendemain. Mais il savait trop bien maintenant la puissance de cette femme et qu'il ne pourrait plus rester près d'elle sans souhaiter son étreinte et son lit. Par un instinct de défense, la détestant et l'adorant tout ensemble, il recommença de l'éviter. Malgré les serments jurés lèvre à lèvre, ses froideurs, ses absences désolèrent Fanny. Fin de la section 20.